trop de choses immondes dans ce monde qui pue la pisse. Et là je suis pas pessimiste, plutôt réaliste, car saoulé de cette vie qui me rend triste, car pour oublier on se pète tous la tête à la 8-6, car trop de mecs plongés dans le crack, la coke, les roues, l'alcool. Au début se disant que sans eux la fête est moins folle, mais très vite finiront comme ce mec dans le had d'alcool, ou pour les plus chanceux finiront simplement en tôle. Trop de mes frères qui abusent de mes sœurs, les prennent pour des proies, croyant des chasseurs. Si la fille kiffe ça et te prend pour un lover, ok, ramène-la à l'hôtel, baise-la et le lendemain surtout tire-toi de bonheur. Mais si c'est pas le cas, respecte-la comme ta sœur. Arrête de t'acharner sur elle comme ça, si elle veut pas de toi lâche-la. Et arrête de considérer les meufs comme des trous sur pattes, ou je t'appelle Delita pour qu'elle t'éclate à coups de latte. Mais faut dire aussi qu'il y a trop de meufs de moins en moins habillées, hiver comme été, des mères qui pour s'amuser apprennent à leur môme de 10 piges à se maquiller. 13 piges les laissent se stringuer, à 17 les emmène se faire avorter. Faut pas abuser, faut arrêter de déconner, mes sœurs, il serait grand temps de vous mettre à vous respecter. Faut pas oublier que vos mères se sont battues pour que vos droits ne soient pas bafoués, au moins pour elles s'il vous plaît, allez vous habiller. Trop de pourris parmi nos dirigeants, comme notre propre président, fan de détournement et d'argent. Et malheureusement, je crois que c'est pas près de chez Champ, c'est navrant, c'est comme ça aux quatre coins du globe, au sein de tous les gouvernements. Trop de gens complètement bornés qui comprennent rien au rap, ils se rendent pas compte qu'ils me font du mal quand ils jactent. Ils comprennent pas que pour moi cette musique ça a été, ça est, ça restera une énorme et positive claque. Car à son écoute, je peux rire, je peux pleurer, à jeun ou défoncer, je peux tout oublier, je peux rêver, je peux me déconnecter avec lui, je peux avancer. Et une chose est sûre, c'est que tu pourras jamais me l'enlever. Trop de gamins perdus sur les bancs de leur école, attendant que le temps passe à longueur de colle, en heure de colle. Et une fois dehors, mis sur le foot ou la clé de sol, l'inefficacité de ce système scolaire m'affole. Trop de racisme et de haine dans nos télés, trop de pédophiles dans nos ruelles mal éclairées, trop de bavures dans nos commissariats qui ne seront jamais élucidés, trop de frères emprisonnés à cause de tous ces enculés, trop de potes partis trop tôt à cause d'un bruit de merde ou d'un rodéo, à cause d'une maladie ou d'un Schmitt spawnant pour Navarro. Désolé, mais même si je les oublie pas, j'avoue que pour moi, je pense pas qu'on se retrouvera là-haut. Trop de pilons, trop de litrons dans mes veines, très loin de mener une vie saine. Mais je m'en bats, moi la vie je la ken, en attendant que la mort me prenne. Pas la peine de me dire que la vie est belle, faudrait être aveugle pour pas voir que c'est partout la même. Trop de famine, trop de gosses vivant sans famille, on se plaint tout le temps, mais pourtant, trop de gens vivant au rythme d'actes violents, attentats, Oussama, ETA. On finira tous aveugles, agir œil, dent pour dent. Pour résumer, ce putain de monde se barre trop en couille, trop de trouille, trop de fouille, trop d'embrouille, tout me saoule, tout me casse les couilles. Sincèrement, je comprends pas pourquoi on se déteste tous, dis-moi pourquoi même entre nous on se goûte.